100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti juste après Default pour La Nocturne, 100% rap français avec un invité de marque, un invité de choix pour cette rentrée de Nocturne. Yeah. Le premier invité de cette rentrée de Nocturne s'appelle Espy. Très bien, bon. Nya. Ça comment va, Fred? Ouais, tranquille, la pêche, toi. Ça fait plaisir de voir, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques rendez-vous manqués. Bah ouais, on a eu plusieurs rendez-vous manqués. Je sais pas ce qui s'est passé. Dû à un problème, je sais pas, fuseau horaire, c'est quoi? C'est ça, fuseau horaire. De décalage. On était pas sur la même planète. Bah, toi, t'étais en Suisse un coup. Ouais, je sais pas, moi, j'étais pas là. Ouais, j'étais en Suisse. Voilà, t'étais en Suisse quand j'étais à Paname, voilà, et vice versa. Et vice versa. Bon, tout va bien? Ça va, frère. Bon, il y a un projet qui est dans les bacs. Il y a un projet qui est dans les bacs, les chroniques d'un GNG, il est sorti le 19 mai. C'est un projet digital. Il y a un nouveau clip qui est arrivé. Il y a un nouveau clip qui est arrivé, Robin, qui est sorti, donc j'invite tout le monde à aller le check, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc je vais donner en même temps, je vais donner un petit peu pour tous les gens qui veulent des infos un petit peu, ils peuvent aller check sur le Twitter @icecriminel, sur le Facebook icecriminel, sur mon Instagram sp.officiel, sur le site blogprod.fr et la chaîne YouTube r6blogprod.tv. Voilà, bah, il y a plein d'infos qu'on va vous donner pendant voilà, une bonne heure. On va vous blinder la tête avec ça. C'est toi qui prends le contrôle de La Nocturne. Totalement. On va saluer Mist qui est au platine. Yeah. Bon, il fait partie de l'équipe, hein, toute voilà, façon. Bien sûr. Et même en parlant d'équipe, bah, t'as RC, mon manager, RC, t'as Lexos, t'as Five, mon attaché presse, t'as Climax, mes beatmakers, t'as Lefty, t'as Makila Masta, mon styliste, t'as Tosma, mon responsable d'image avec Beast de 7-7. Et t'as Flasco, le seul bien sûr. C'est grosse équipe, ce ouais, ouais, moyenne équipe, non. Ouais, moyenne équipe, ouais, ouais, ouais, on t'aménageait un peu parce que sinon après il y allait avoir des plaintes et tout, ça va être bon, est-ce que tout va bien? Ça va, frère, toujours. Bon, ça va, là, ça va. C'est vrai que tu tournes un petit peu. Bah, je tourne beaucoup, ouais, avec Yous. On sort d'une tournée internationale. Incroyable d'ailleurs. Incroyable, incroyable. Et c'est vrai que tout le monde a souligné, je suis pas le seul à dire, mais quand on voyait sur scène avec Yous, c'est pas uniquement un backer. Non, que voilà, non, c'est un vrai show complet, voilà. Exactement, c'est un show complet, c'est un binôme. Et vraiment, ce qui porte bien, c'est fruits, parce que les organisateurs, ils n'arrêtent pas de nous inviter, ils sont satisfaits du show et voilà, ça va de mieux en mieux, d'année en année, ça va de mieux en mieux et on est vraiment complémentaires, donc j'invite tout le monde même à venir nous voir au passage, vous ne serez pas déçus. Et ben non seulement Yes Bino, mais puis il y a toi aussi, il y a ta carrière en parallèle. Aussi, ma carrière en parallèle, ouais, qui a commencé depuis un petit bout de temps déjà et là qui va se concrétiser un petit peu par la sortie de l'album Jester and Gentleman, qui est prêt à 80-90% et qui arrivera fin d'année, de toute façon je vous tiendrai au courant et voilà, ça va être un gros album. Ça va être un gros album. Bon, est-ce qu'on donne le coup d'envoi de cette Nocturne? C'est parti quand tu veux. Bah, c'est Mist hein, qui contrôle. Hein. DJ Stummy, quel bail. C'est opérationnel ou pas, mon gars? AKA The Legend. Yeah! Sois nous comme la nouvelle famille Gambino. Clac, clac, tout finabino. Classe d'Agarica. Ice criminel qui prend le contrôle sur Skyrock. La Nocturne. Petit King du 9-4. Petit King du 9-4. Petit King du 9-4. Petit King du 9-4. Le sourire, mes mots, ça. GNG. Entre King le père et. Ah, il arrive bientôt l'album, vous inquiétez pas, ça va être du lourd. Écliptique musique. SD Cream Team, c'est S. Lui qui est dans le building. Tu ressens les symptômes. Lyrica, les matos. LFT, je te vois, mon gars. RC. On a sorti de moi. Tu venais. Cette année, je suis bien bon. Vénère, tu parles mal. Viens en face. Enculé de ta belle-mère. On fait du bif, ça j'échange. On est plus des petits rots. Y'a pas joué les grands, tu vas te faire tes planches. Général Philo, oh yeah. Nemesis, c'est pas les bails. Drive-by, Kinshasa Star, on te dit bye-bye. Il pleut de la monnaie money. Et des LV à 140 carats qui se flottent sur mon poing. Mr. Ice Creamy, réel sans gimmick. La street call à mes smells, belle-melle Louis. Mon flow sans le feeling, le leurre puis le peeling. J'plane Batman, swag, Arkham City. Crâne dur, j'suis impoli. Dans South Park, t'es Kenny. 2012, la test, une des blunt, saveur cherry. En balle, t'as Ali Berry. J'vois que le bif dans mon périple. Élevé au daddy Kelly. J'ai la frappe de Balotelli. Wow, c'est des Tommy. Prims, j'te vois, mon gars, Prims. Ta princesse, bon, Miami Music. PH. Torrid. La Sana. Geste en mode all-in. Pour les frères. Aina, Taipan. SAMS, bien beau. Sur le polo. Escalon solo. Polo, tu me crois au max, mais là, j'y vais mono. Ono, en deux minutes, chrono. Droite, gauche, d'Apollo. Et tu déballes en tonneau. Geste à de l'allure. Mes jeans viennent de la rue. Nya. Tu shit dans de la rue. On chiffre si tu t'amuses. Je donne pas mon cabu. Je cartonne sans malus. Dur et mon coup de ceinture. Demande à Black Barbu. Je t'ai vu toi aussi, sale bâtard. Mon mari les dents sur Smith. Tu leur diras qu'on est là. Attitude de banlieusard. La la la la la la la la. portière de la cove te disent hello. Oh. La taupe est dans le cello. Oh. Taco est dans le tello. Oh. Appelle le nouveau phéno. Oh. Je me pars du hall en première classe dans une fusée Ariane. Même pas en rêve, je la baise, Marianne. Je veux pas de malaria. Yeah. SP avec la street, je me maria. Yeah. Les fils de hentai, des ratatatataya. Yeah. Pas de pénitence. Grosse dédicace à mon gars sur SAMS. Loge de moi, mon gars, loge de moi. Criminel. Dieu est grand bientôt, si vous inquiétez pas. En même temps, il est temps de nous payer. Arrivée massive, représente l'Afrique dans les zones à risque qu'on a baigné. Pour manier une musique affiliée, je crois qu'il est temps de prier. Si le rap game tient en place, c'est parce qu'on est ses piliers. Viens, on gagne, viens, on gagne, viens, on gagne, viens, on gagne, viens, on gagne du temps. Je sais pas à quoi ton string sert. Je suis Barack Obama, tatoué, swag et streetwear. Brick positif, on reconstruit l'Afrique, frère. Tous les Tonio, Nono, 7-7 mots, bien bon. Qui croyait voir des putes, mais nous on en est pas. La seule flûte qui se joue est celle que t'entends dans le track. Yeah. Les biatchs et les loups attendent nos albums dans les bails. C'est nous, on sort du beat. Tony Gamos, mon gars sûr. GNG, bientôt, vous inquiétez pas, il arrive le premier album. Vous inquiétez même pas. Business, futur père, déterre. Puisque par les kiss des hustlers, 60 mois ferme, apprennent pendant que mon fils naît. Ceinture LV, polo LV, lunettes LV. Ça voulu tester, entrer ta merde. Criminel, criminel, c'est mon nickname. Statue de gesteur, au micro, ça fait good bang. Bang, flaque de sang sur l'asphalte. Fusil à lunettes, sur nos fast life de spatial. Pour les dos, ça vend des dos, je suis Jada, au tac au tac. Tu connais, à la galerie, demande du Coco Jack. Je roule avec des frelons, destinés à prendre du fer. Sodomisé par le pilon, quand tu rentres le fer. 33, on est ensemble, les gars. Par la vis qui fait que mon pas d'idole. Jamais. Je veux pas crever comme Tony, criant. Fuck you, Maricot. Ça l'époque, les fils de traite remplacent des blocs. Et quand ils parlent dans ton dos, ça fait pop, pop. Des billets sales pour satisfaire la mama. Hein? Ice, Black Joe Banana. Banlieue à une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. J'ai le swag et la tchatch, appelle-moi beau. Banlieue à une voix, banlieue à une voix. Banlieue à une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. J'ai le swag et la tchatch, appelle-moi beau. ISF, le game faisait 3 stars. J'ai sorti le taser, ça kick sale, reste calme. La putain de taser, mon blaze. SP, Ice Criminel. C'est ma team qui mène. Les lifting, je les fais à l'hôpital. T'es chaud, monte en selle. Tu touches, on te mêle. Mêle, ils sont si tu kiffes, mec, à te mêle. Je débé des barres, me tape, débé des barres. 9-4, démé des marques, loin, t'es le top départ. Trop dégueu des cartes, truc de barge. Clic, même si t'es mort, vas-y, dégueu déclare. Y'a des flots qui se perdent. Ray, joue pas les hommes d'affaires. Si tu descends au Sofitel, j'ai ta go qui me telle. Elle mouille sans que je te parle. Jester and gentleman. La banlieue une fois. Yeah, wouh! Là, c'est l'exclusivité de clip, il est sorti ce soir. Robin, premier extrait de l'album Jester and Gentleman, qui arrivera incessamment sous peu. Bien bon, Jester! Jester! Grosse dédicace à mon gars, Lefty! Ni myself and I, ça arrive bientôt, vous inquiétez pas aussi. Un 6 bloc! Yeah, GNG. Je mets un faux chèque à la caisse des bars. Je mets un faux chèque à la caisse des bars. Je mets un faux chèque. DJ Mist de contrôle. Je mets un faux chèque à la caisse des bars. Ok, monsieur Pascal. On rentre dans le club, elles agressent nos tables. Couche Red Cup, toi tu restes au bar. On a vendu des stups pour sortir des CD. Maintenant on passe à la télé. Yévis Abango, tout ça est belé. On va les mêler. Patate, les rappeurs se mettent des balles dans le crâne à la comète. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin, Ariane Robin. On s'invite, fais péter la tease. Mes négros ne savent pas danser. Arrêtez de faire les blindés. On sait qui a fait le million dans le rap français. On les voit les mecs, on est refait. Plus de respect, jamais. Sors mon skeud à la nique sa mère. Ils sortent le leur, plus d'airplay. Criminel Ice, toujours frais. Pas de Cortez, concert au bled. LEXOS, le Luca Swag. Du coup, j'ai mes chaînes et ma ceinture en cas de bordel. Robin, Robin, Ariane Robin. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin, j'espère. Tout le monde, tout le monde. Dans le geste, bien bon, GMG, premier album. Jester, Robin, SP, un 6 bloc prod. RC, Lexus, Five, Cinco. On n'a pas la même life. Nico Thaïlandais, mon pote, je te vois. Même chose. On n'a pas la même cam. On peut pas viser les mêmes doses. Yeah. Négo, gère bien ta meuf. Devant moi, elle frappe à la putique. Ils sont prêts à tout pour un buzz. Quitte à s'afficher face au public. Faut arrêter ça, les mecs. Trois liasses dans le cartonné. Ils parlent que trap toute la journée. Et font les hustlers prêts à se bastonner. J'en rigole. J'ai pas changé, toujours anti-cop. J'ai pas eu de papa, moi j'ai pas d'idole. Après mon passage, y'a plus d'anti-pop. Tu m'as vu gester avec la Bomaye Fim. Chico en argent, red cop sur le ring. Nigga, il in ça la prod. 2014, c'est l'année du king. Nigga, jester and gentleman. On m'a dit doucement, tu vas faire mal au man. J'ai la vue rouge sang, fallait pas parler mal. Mes coups, tu les sens, je suis un pur animal. Le titre il s'appelle Robin, il est déjà dispo sur iTunes. Le clip il est sorti tout à l'heure. Allez tous le check, c'est le premier extrait de mon album. Jester and Gentleman. Jester and Gentleman. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, Jester. Robin, Arien, Robin, Arien. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Arien, Robin, Robin, Jester. Dédicace à toutes les banlieues. Tous mes go heads. Je vous vois les frères. Jester. Robin, Robin, Arien, Robin, Arien, Robin, Robin, Robin, Arien, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Arien, Robin, Arien, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Arien, Robin, Robin. Anthrax, S to the P. Yeah, geste avant l'album, toujours disponible sur iTunes, normal. Bien bon. Ah, 9-4, Alouette Zoo. Zoo. Normal. Normal. Yeah. La nocturne, S to the P, 1-6 Block Prod. On est là. Toujours du 9-4. Toujours, toujours. Spartiate. Toujours. Vous avez prévenu qu'on allait rejester. Eh hey, Garba, Geno, Boyzer, Franz. Je vous vois les gars. Bien. Benz, Bronze, Génétique, Pro, Younes. Je vois les pailles, gros. Tous les frères OTX. Je vous vois les frères. S to the P. La street, on la vit nous. On n'est pas des acteurs. À la Tessie, les voyous ne sont pas les rappeurs. 9-4. C'est criminel, demande à Indy la rich last. Escale, t'inquiète mon pote, le pack. Singy la good nine, y'a des balles. Bien bon. Veste en chinchilla, goodbye. Moi j'éclate un garci à la vanilla. Ils mettent des jeans slim, c'est pile de torse, quand ça va rétir. Ils se cacheront derrière leur disque d'or. Qu'on me les ramène, poilus sur les tatous. On n'est pas des samelles, je suis une sale race, moi je te passe pas le salem, mais plutôt des bootsum, bien coupés en lamelles. On est plus sur terre-terre avant d'être des kickers. Pour pas prendre perpète, on bise avec des beepers, tard à l'ancienne. Jester, fireman comme Lil Wayne. Ils arrivent frère, repartent une balle, scotché dans leur wave. Demi-buzz, zéro talent, rien que ça se la wesh. Zéro crédit dans la street, rien que ça parle en wesh. On m'a dit S, mets tes bananes. Serre-toi, fais ta maille et gifle leur sac. Riquet, 19ème. Faire quoi, faire créer, je trace ma route. Jay, je te vois frère. Celui qui geste, on lui casse sa la refo, 9-1, bon. Capo. J'ai rien de conscient. Slimy Lexi, normal. Dans la brume, Jibril, aïe. Oui, oui, je kiffe. Hussein, 12ème. Alassane, casse. Slash pour moyer musique, slash écliptique. Faut du liquide. Je kill la viking, flow de viking, follow arrobas ice cream team. Rien n'équivaut au karma, rien à craindre tant que j'ai pour moi les prières de la maman. T'as tenté de carna, t'as fini en criade. 2012, on va quebra le bif au prince William. Suspendu à ma liane, entouré de mes nyams. Sur Panama, New Era, escorté par des Rihanna. Nous, on parle pas trop, je trompe jamais dans les directions. Tu me vois, c'est que je fais beau, le reste c'est au Jackson. Comme Kosi Yoka, ce que je prépare en Anka. Pure moi d'un boca, mais j'ai la gueule d'un moinka. Boum, je rentre dans le tas, à jamais je serai rentable. Mes billets verts sales sortent du trou du cul de Blanca. Tu testes, mec, t'as tort. Je brille sans major, mort avec la mâchoire d'un plaque alligator. Flow mitraillette à la Rambo. Pure mango, molengo, guacamongo. Geste avant l'alcool. En la mémoire de notre soldat perdu, Coxis, Coxis. Et Kamel Naitamoud. Repose en paix, mon frère. Repose en paix, mon frère. C'est pour toi qu'on fait tout ça, gros. C'est toi la motivation, ma gueule. Pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. J'avais prévenu qu'on allait rejeter. On vous voit. Cox 6 9 4 S to the P. Ice. Nya. Nya. C'est la nocturne, on est au contrôle de la nocturne. Ouais. Espy est là. Totalement. Bien chaud, bien totalement. Détendu. Bien chaud, bien détendu, bien tout ce que tu veux. Je vois tous les gesteurs et gesteuses qui sont là. Voilà, exactement. Qui envoient des messages en nombre. Ouais. Et bon, ouais, salut ça tout le monde. Plaisir, continuez. 41759, le hashtag Espy sur Skyrock. Uh-huh. Espy la nocturne. Mm-hmm. Allez-y, vous balancez tous vos messages. Espy, donc on disait, il y a un projet, c'est un EP plutôt qui est sorti. Ouais, voilà, c'est un EP digital qui est digital, sorti. Ouais. Qu'on peut toujours trouver d'ailleurs. On peut toujours trouver, qui est toujours dispo sur iTunes à 2,99€. Et voilà, qui regroupe un petit peu. Ouais, t'as vu, c'est rien. C'est pas. Qu'est-ce qu'on a pour 2,99€ Franchement, tu sais quoi, on a rien. J'étais en train de réfléchir. Et encore, même la canette. Je crois qu'il faut même encore des cents pour acheter des canettes. Non, mais bon, voilà, on a essayé de toucher un peu le peuple. Et voilà, nous, notre philosophie, c'est on fait de la musique pour le peuple. Donc, s'il y a moyen qu'on mette des projets pas très chers pour que les gens découvrent un peu ce qu'on fait, ben, on y va. Donc voilà, ça fait partie de ces. De cette mentalité là et tout ça, ça annonce l'album GNG. Gesture and Gentleman avec l'extrait qu'on a passé avec l'extrait Robin. Ouais. Robin et le clip qui est dispo, qui est dispo déjà, qui est sorti là à 20h et puis qui est dispo sur iTunes aussi. Voilà. Donc allez faire un tour, allez cliquer, suivez. SP, je sens bien en forme là. SP. Ouais, je suis chaud, frère. Ah, je vois que t'es chaud. Ah, c'est la rentrée. Sucre sur les lèvres. Normal. Bon, il y aura du live aussi avec toi tout à l'heure et des acolytes qui sont là. Totalement, Lefty qui est là et qui va m'escorter toujours. Toujours. Mist. À gauche. On est reparti, Mist. On est reparti. DJ Stemaï. Le meilleur DJ de France, hein. Je tiens juste à l'annoncer. C'est la légende. Je dis ça, je dis rien. Je dis quand même quelque chose. Yeah. Olive. Chronique d'un GNG. Toujours dispo sur iTunes. Yeah. Je suis en roulé. Pour tous les frères, toutes les sœurs qui sont en roulé. Ah, esprit criminel. Avant c'était des kilos. Je servais à des cours. Avant je sortais d'un kilo 2. Maintenant je sors d'un tourbus. Avant dans la chambre elles étaient deux. Joël. Là je défonce. Avant je calculais trop les rageux. Je les écoute plus. GNG, chronique à la DIA. Toute l'équipe du gesteur. C'est le temps, c'est les Kaira du tien. Eh, Mathieu Edouard, mon gars, je te vois. 10 bouteilles de tous les styles dans le carré VIP. Ah. Les pires ennemis, je les guette. Œil de Sauron dans la pyramide. Je suis dans mon geste, ceux qui me connaissent savent. La clé du bonheur est dans un billet coincé dans le sas. J'ai toujours la même veste, moi, j'ai toujours le même star. Grosse dédicace à Rima. On me reconnaît, j'ai des faux airs de star. Rima. Rien qui me tape les nerfs, je suis pas sorti de là de mer. Le roussillon de hier fini accroupi sous mes airs. Aucune maison de skeut ne me caressera l'anus. Linus. J'peux pas les seuf, mais le buzz de Miley Cyrus. fini l'air. Ice, fini l'air. Ils ont plus rien à dire que le passé nous l'avenir. Aucun disque d'or ne sert de pare balle pas à dire. J'suis en roulis, roulis. OG, 9-1, bien bon. J'suis en roulis. Premier album, ça va péter, pire qu'Hiroshima. Caïman, mon gars, je te vois, frère. 9-2, BLG. J'ai la Chine en jet Falcon. Je vole au-dessus du game, c'est trop chim. Gamos Carbone. Yeah. Sur les bords, un chouïa schizo. J'ai eu le choix entre le passe-montagne et Enzo. Le stylo. Je crois que la vie avec les chicots de Ronaldinho. Si 9-4, c'est le Barça, je suis Tata Martino. Je marque mon territoire. Bail de Corsica. Un squelette avec un gun, ça devient Godzilla. J'ai vu les darons de certains potos finir en zombie. On s'est du salotiex, demande à Ricky M.O.B.B. Merci pour tous ceux tout qui soutiennent. J'ai promis sans compromis. J'suis. Merci à tous les supporters. Vous serez pas déçus. Demande à ta femme. Le premier album, ça va être de la y a les cœurs, GNG, Jester and Gentleman. Fini l'air. Ice, fini lève. Ils ont plus rien à dire. Eux le passé, nous l'avenir. Aucun disque d'or. Spécial à mon gars sûr. Vas-y, sa mère. Eh gros, je te vois, vas-y mon gars. Enjaille-toi mon frère. Enjaille-toi seulement. Couchez-vous à terre. Je suis beaucoup trop désert. Quand je pars en roulé, je suis en roulé. Je suis en roulé. sors du labo, toujours numéro uno. Je décadré, frappe des 30 mètres dans leur couloir. J'ai toujours fait le boulot, même sous l'eau. Verre de sky, cul sec, j'tise la playlist à Laurent Bouneau. Les jaloux parlent de leur sucre, j'en ai plein le dos. J'suis team platine, maintenant allez-y plein pot. Sous mon talent sont planqués des tonnes de lingots. J'fais trembler les hommes en bleu, Yarmolengo. J'ai bouffé du rappeur, ça m'a changé de la gamelle. Signe de croix avant de les envoyer sous terre, amen. Tu me voyais sur scène, j'faisais du bise en parallèle. Chez nous l'oseille, c'est l'oseille, pas du caramel. Ce mordou, c'est pas un clash. J'vois déjà les geeks rougir, retweet en ma phase. L'album arrive, ils en auront plein la gueule. Pas besoin de sécu ni de garde du corps, j'vais gérer ça seul. Grosse dédicace, Dédé. Fini, l'air. Et le CK, mon gars. Fini, jamais à l'air. Roue libre mix. SAMS. Prime Spariel, lyriciste Bantou. Gestus, Bipolarius, Primsus, viens bon. Vente de shit par qui Low. Fuck ton tir Low. Nicki Minaj dans un jean ou la chatte à dix. Vente de shit par qui Low. SAMS. Nicki Minaj 33, dans un Bordeaux. Ou la chatte à dix. Florent Gravement. T'es mort dans le film. Ce nom dire, tous les tiens à Bordeaux. On est ensemble, vous savez déjà tire, normal. Le buzz est si gros. Le boy Ice gros. Attention où t'atterris où t'as des héros. Sur l'album, bruit d'impatience. Je suis un pyro. Place quoi, je te vois. Parle en pleine tête, appelle Lexo, je te vois. Ovni, je te vois. Dans ce Golvé, je te vois, ma gueule. Salam alaikum, check la concurrence, noyé. Team c'est beau, maillé. Vos mères sont rodaves comme un scout chez Julie Gaë. Ropopompom, a dit une grosse tasse. Commande Chicha Mangom, tire une grosse taf. Je suis trop porté sur la maille, gros. Je suis un rat de marée, gros. Rappelle tant que marée, j'ai des mailles, je me suis barré, gros. Fini l'air. Yeah. Sam's fini l'air. 33. Ils font plus rien à dire. Eux le passé, nous l'avenir. Aucun disque d'or ne sert de pare-balles quand ça tire. J'suis en roue libre. Tu peux m'arrêter trop tard. J'suis en roue libre. Yeah. Roue libre. Couchez-vous à terre. J'suis beaucoup trop déterre. Quand j'pars en roue libre. Super Z, Inès, El Kouchou, le hat-trick de l'EX. On se dégage. Jeff Team, on le fait nous-mêmes. Tetris, nouveau phénomène. Yoka, Nego, Yoka, Mwanamboka, Ice, criminel. Mes punchlines sont inhumaines. Denja, traîne, j'ai laissé pousser les tresses. Ils me prennent pour des Kenja. Prince, on fait face au game. Lunettes noires, peu bavard. Je te regarde pas quand je te parle. Je te vois, mon gars. L'écriture, il arrive lourd là, j'entends. J'ai la Benoît XVI. La mort entoure mon vécu, donc j'ai le cul entre deux perles à chaise. Tu peux nous tester, nous. Eux, ils étaient au fond du gouffre quand nous on retournait les foules pendant le geste. Et ils rappent tous pareil. Leur flow est copycat et je baisse tellement d'MC que mon album sera un coming out. Pas de soirée, viens pas nous mettre en doute. Mon label survivra, j'ai perdu quelques traîtres en route. Coûte que coûte jusqu'à la fin. Ferme ma voix, mon gars. Et s'ils demandent, ça sort qu'en négritude, il n'en sait pas maintenant. Fini l'air. Ils ont plus rien à dire, le passé nous l'avenir. Aucun disque d'or ne sert de barbale quand ça tue. Je suis enroulé. Pour la peine, je reviens. Normal. Prenez tous vos flogies, on arrive lourd, on va pas le redire, non. Arrêtez vos sevilles, moi dans le mouvement, on m'appelle Crimi. On les a montés en l'air, ils ont vu que le ciel n'était pas la limite. Ratatada! Blague à part, j'ai le coup que ta part. Je viens, je me sers, je prends ta part, je me tire à King. Samir Bougain, je veux le bif du Qatar, le game ne se bat entre les 4 quarts. Trop tes bas, mais trop d'écart. Je lâche une punch, trop d'éclat. Ça c'est juste la première fournée. La tôle, je veux pas y retourner. Je paye ma foison dès la première journée. Les médisants, langue de pute, on les a pas zappés. Sors d'un Boeing ou d'un tourbus. Toi tu repars à pied. Mon âme à B, Kinshasa boss. Toc toc, v'là ma gestime qui kick à ta porte. C'est pas du rap de pucelle de moins de 20 ans. Il sort quand, JNG? Bitch, on t'a dit c'est pas maintenant. Fini l'air. Nya, nya. Ice, fini l'air. San Benedito di Marsi. Nous l'avenir, aucun disque d'or. Andrea. Barbale quand ça tire. Je suis enroulé. Tu peux m'arrêter trop tard. Ice, capo di tutti i capi. Couchez-vous à terre, je suis beaucoup trop désert. Quand je pars enroulé. J'pars en roue libre, roue libre, roue libre, j'suis en roue libre. DJ Mich, roue libre, roue libre, roue libre, j'suis en roue libre. DJ Mich, la légende, meilleur DJ de France, cherchez même pas. Ça raconte quoi, putain, moi j'suis coincé dans un box. 20h sur 24 dans une cellule comme un tox. Ouais, ouais. Dans la garde à, au dépôt, au camtar, coffré dans une cage. Tous mes enfermés, dis les enfermés, gardez la force, les gars. Je pense à ma mère, à ma go, à mon équipe, c'est cuit pour les concerts, les studios, ma pipe dans les clips. La sortie, c'est du sûr, perdu, mec. Ma chance percée par un grand arrêt. Normal. La juge délibère, freine et la maison d'arrêt. Pas pris de touche depuis 3 jours, j'pue la crasse. Mon blouson en cuir m'a servi de couette. Moi qu'on appelle Ice, à croire qu'on m'attendait. Fleury, la santé, frère. J'ai les nerfs, mon pactage est prêt. J'suis tech, frère. Ricky, mon gars, Ricky. J'suis loin d'être star. Le décor à désert d'Alaska. C'est le désert, ma jaule pue, le tabac froid. La justice t'allume. Condamné ou prévenu, c'est la même. Vu toutes les prisons de France. On est tous détenus. Sur le fil du rasoir, j'suis philanthrope. Mes rêves s'envolent dans les airs. Comme avec dit, ma hein, fumée de clope. J'connais. J'suis dans les bourbiers. L'entrée, c'est dur. D'autres tapis dans les lettres, car la juge épluche du courrier. Je tape des pompes, mes proches m'envoient de la fraîche. Et on me dit que dehors ça circule, que Espieto Heads. Ma mère ne mérite pas ça, ma femme non plus. Ni que sa mère, ça fume des spliffs parfumés au trou du cul. Moi encore ça va, le Z là n'est plus ma bête noire. Mais si tu vas taffer tes pecs, appelle-moi. Taille de flotte et serviette quand je sors en promenade. Quand je cracherai des textes que j'ai grattés, ce sera la tornade. Une pensée aux oxy du D1, D2. La Macho liberté Guy. Un joint, éclate-le et mets-moi P2. Garde la force, frère, j'ai quand même quelques sables fraîches. Quelques gars mon tricard en mode wesh, mais tu passes pas à la TV toi. Rien à foutre, il me faut une douche et de la bonne bouffe. T'as un parlu du baveux, j'espère que t'auras de bonnes news. Mais garde les idées claires, n'aie pas de pensée suicidaire. Sofiane, je refuse de te lâcher sur le contrôle judiciaire. Frère, relativiste, c'est pas la Bosnie. Mon corps a pris perfect, par des scarabelles en ovni. Avant moi, y'a eu Mesrine, Ferrara, Jusny. À coup sûr que j'y retourne, s'ils font péter mon sursis. Tu sais plus qui suivre, au cas où si ça tire. Et j'apprends tout fier par l'être que l'ex a eu sa fille. On serre les coudes, avec rien on entreprend. Besoin d'un coude, Airwick, amène du feu, des pots d'orange. Une dose de shit contre des Air Max TN. Premier samedi du mois, je gratte un texte à l'ADN. M'amène, faut supporter la casse, montrer que t'es déter. Mon cœur devenu classe, avec le mental d'un béret vert. Pour passer le temps, je dis des livres, la Bible, la vie de Luther King, l'instinct de mort de Mesrine, vision de vie oblique. On se cure les dents au stylo bic, parmi les gorilles, on se fait chauffer les pastas à l'huile d'olive. Tu sais, je me remettrai de mes soupirs, une taille de l'euphorie, et tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Je fais sécher ma peine à la chauffe, et je te le confirme, ici y a pas de rappeur qui joue les shows. Non, si t'as du cran, ça se ressent, on te respecte. La douche sert de terrain de jeu pour les têtes à tête, car c'est trop tard quand le maton a claqué la porte. Et que la gueule du plus bavard est au sol si tu sens qu'il en sort. Apprends les règles sur le tas où tu te fais brusquer. Descends pas dans la cour sans ta fiche où tu seras suspect. Ça peut se taper des barres mais c'est pas la fête. Pointeurs et pédophiles s'y font éclater la tête. Bienvenue dans l'univers des innocents coupables. Les trois quarts parce que leur sauce face aux flics se sont mis à table. Ça se donne la force par la fenêtre. Pousse le son qu'on fasse péter les pecs. La juge s'amuse à faire tomber les peines. Il y a encore pas longtemps j'étais sur scène, adulé par les fans. Maintenant mon mic est plastifié sous cellophane. J'aurais pris plus si j'avais douillé. La loi m'a regardé en face, m'a dit écoute, je m'en bats les couilles. Depuis je suis passé maître dans l'art de l'attente intérieure. Quand je sors faudra qu'on fasse des bails à un niveau supérieur. Pour l'instant je cantine, trouve des combines, les textes j'empile, attendent tout péter à la carabine. Check l'équipe, dis-leur qu'il me manque. À la vie, à la mort, occupe-toi bien des deux femmes de ma vie. Je te fais confiance. À ceux qui bavent, dis-leur bien qu'ils vont baver plein pot. On se capte à ma sortie, en espérant que ce soit bientôt. Mon gars choc, putain, dur, dur. Bon, je vais lui répondre. Wesh mon pote, ça raconte quoi? Ici je m'occupe de ta femme, de ta mère, t'inquiète. Sinon avec l'équipe ça bosse toujours. Tous mes enfermés, gardez la pêche les frères. On est ensemble. C'est la nocturne avec Espio Contrôle, ouais, et un morceau pas forcément rigolo celui-ci, bah, mais qui fait partie d'une vie aussi. Bah, qui fait partie d'une vie, qui fait partie de la vie d'un homme. Voilà. Voilà, ça concerne un petit peu tous les gens incarcérés. Hommes et femmes, parce qu'on oublie aussi qu'il y a des femmes sûr. Qui sont incarcérées. Bien sûr. Il faut leur donner la force. Et on pense à eux ce soir notamment, comme dans chaque nocturne, parce que je sais que ça veille tard. Ouais, ça veille tard et ils sont tous à l'écoute là. Donc, voilà, une grosse dédicace. Voilà. Grosse dédicace à vous. Bien bon. Et un peu plus marrant, il y avait aussi le morceau, le remix auparavant, avec de Boumaillet, de Beaumaillet. Avec les gesteurs que tu connais si bien. Que devient mon ami Sams. Mais Sams, il est là, il prépare son album. Dieu est grand aussi, là. Bien bon, là. Ça arrive. Bon, ouais. Tu le salueras de ma part. Ouais, pas de galère, ça marche. Voilà. Grand plaisir, l'acteur numéro 1. Et ouais, de fou. Bah, il a joué, là, dans Code 45, en plus. Je sais, il est partout, le mec. Grave, il est partout, le gars. On attend le César, les Oscars. Exactement. Bon, et puis, Youssoufa aussi, pareil, qui bosse, hein, sur... Ouais, il bosse aussi sur son Négritude, là. Mm. Qui devrait pas tarder à arriver. Et ça va être, on prépare une grosse rentrée, là, un peu, là. Ouais, j'ai l'impression que là, Aina, qu'on salue. Aina aussi, Taipan aussi, ouais. Taipan, voilà. Toute l'équipe de Bomaïe, Fleki Philo, voilà. Ouais, toute la famille, la Sana, toute la Sana, évidemment. Ouais, bien sûr. Oublié, le Black Harry Gold. Bon, là, c'est la nocturne, c'est Espy qui a pris le contrôle. Normal. Espy, lui aussi, il arrivera en 2015 avec ouais, son 2015 album. Avec l'album Jester and Gentleman. En attendant, pour 2,99€, allez cliquer ce soir, là. Voilà, allez-y, parce que c'est quasiment gratuit, là, 2,99€. Je vois pas ce qui pourrait empêcher d'aller prendre le truc, tu vois. Bah là, tout de suite. Voilà. Les chroniques d'un GNG dispo sur iTunes. Voilà, et uniquement, ouais, en téléchargement légal, hein. Téléchargement légal, ouais. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Allez télécharger légalement. Voilà, exactement. Et voilà, le clip Robin qui est sorti aussi tout à l'heure. Donc allez jeter un œil et puis n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Ah. Mist me fait des grands gestes. Qu'est-ce qui se passe, Mist? Non, c'était juste que t'allumes le micro. On va réussir à se comprendre un peu. J'ai mon projet à la demande générale qui arrive aussi. Ah bah, normal. Voilà, normal. Regarde, ça bosse de partout. Exactement, ça bosse de partout. DJ Mist qui est DJ officiel, hein, de la tournée. Bah, trop fort, Mist. Voilà. Bah, vous l'entendez, c'est lui qui est aussi voilà. Au contrôle avec c'est toi. Qui vous met bien depuis tout à l'heure. Il est chaud, j'ai l'impression qu'il veut balancer un son. Donc vas-y. C'est parti. Yeah! Ah, pour tous les Quinois. Ah, les Brazzavillois. Yeah! Tosa ma boss. Ah, il y aura une surprise dans l'album d'ailleurs, GNG, par rapport à tout ça. Yeah! Dédicace, Tito Prince, Gros Dash, Poison. Lingala, yeah! Aïe! Popoukama, Popoukana, Popoussana. Ice cream, ils chouettent avec le Linsaka de Oussama. Ils sont venus en brillant, vont repartir en criant. Je casse les bouches en chillant, jamais fuyant. T'as le swag d'un client. Tosa, fais-les, banlieusards, chégué. Ils seront dans leur froc quand le 9 mini va gueuler. Dans le geste et belé, belé, belé, dans la mêlée. Mes lyrics sont sous scellés. Qu'ils remixent, allez crever. Attends, ils jouent tous les Dangerous, mais leurs notes sont fausses. M'bata juste pour voir s'ils sont aussi Kaira que quand ils posent. Oh, tu le connais, la sapée propre. J'ai vu leur daronne Montaka sur le skeg à Werason. Kinshasa Tozaba Boss. Kinshasa Tozaba Boss. Tu peux me croiser dans un gars. Là où je te vois. Bouteille de Jack. Les jaloux sont à peine nouvelles. Je sais le colana. Kinshasa Tozaba Boss. Kinshasa Tozaba Boss. Kinshasa Tozaba Boss. Kinshasa Tozaba Boss. Bango Bazanase. Tozota la Licolo. Tu te feras piétiner ta gueule de ballon. Dédicace toute la fois le sale. Kinshasa Tozaba Boss. Kinshasa Tozaba Boss. Kinshasa Tozaba Boss. Momo, nom du groupe sur LV, Z à Moutou Bembe. Chaque couplet que je poubelle, comme si je poudais bébé. Avaler le foufou, je l'ai fait. Je parle de bouffe en effet. C'est que je veux le bid en double, que Rick Rose et ses faits. Je laisse la défaite morte de mes ex-fila. Mon air suivra, t'inquiète, le tien un jour expira. Je m'habille de toutes les couleurs, et je passe pour l'ogni swag. J'ai d'autres choses à foutre, man, et une carte bleue qui boit. Oh, le trou est petit, mais c'est rien, je bosse. Je suis le tout Tony premier Vitry, africain sur un Cédric Bakongo. Bien vu pour la nouvelle signature. Bien vu, mon pote. Je suis pas de là, mon pote. Je suis à Kinshasa, boss. Kinshasa, boss. Tu peux me croiser dans un ganda. Bouteille de Jack. Les jaloux sont à peine nouvelles. Je sais le colana. Kinshasa, Tosa, ma boss. Kinshasa, Tosa, ma boss. Kinshasa, Tosa, ma boss. Kinshasa, Tosa, ma boss. Bango Bazanase. Tosota la Licolo. Tu te feras piétiner ta gueule. Team 243. Kinshasa, Tosa, ma boss. Gladys, Soutilia. Tiki des checks, ça pleura comme à l'ancienne. Bellec, les aïroises ont des chlasses dans leur sac lancelier. Naïe, Nathalie, et puis Nabomi. J'arrose les bitches avec du primus, pas du champomi. Sur le mur du son, j'ai mis un gros lit Kofi. J'ai la carrure de Jadakis, soit à Kofi. Le rap est loin d'être mort, Bangon des Bakoufi. Trop de crédit dans la street, bite moi, je te passe un coup de fil. Mon petit sûr, mon flip, mon lit pas ça. Blade brute, ça y est, roi, baissez mon froc. Je connais pas ça. 243 sur le bras gauche, les mains collées comme brassage. Je place une pour les hautes scènes et pour mes frères de Braza. Appelle-moi mon pao sur le beat, Boris en la combo. Je mets des chaos sur ma vie, c'est un jeu Nintendo. C'est Bretien Tao qui m'invite, c'est loi, loi, trésor. Pour toi, pas besoin de prolique, je te fume avec un penball. Rien de vagueur. On est une race de vainqueurs. Je suis à Goma, sors mon arsenal, Arsène vainqueur. Bah ouais ma gueule, le swag est nucléaire. Cabana Versace, y'a ma moto dans le frigidaire. T'as coupé comme assassin, tous les jaloux j'assassine. Moi n'a pas qu'à respacer, RDC est l'eau comme un cassine. On sent pas les couilles du reste, les Z c'est des racistes. On retourne pas nos divans, tu vestes, on vous baise avec la cise. Tu peux me croiser dans un gang, ta bouteille de Jack. Les jaloux c'est la belle nouvelle, je fais le colana. Une chasse à tos ababos, une chasse à tos ababos, une chasse à tos ababos, une chasse à tos ababos. J'ai bu du jazz, j'ai pris de la weed, mais je vais les prêcher quand même. Ils vont tous demander pardon, mais je vais les baiser quand même. Un peu taré du crack, mon gars sur l'ixogramme, globe-trotteur. J'ai acheté Hulk, une chasse à boss, t'en avais rêvé, je l'amène. Allez, un chico, fils de flic, j'ai carotte plus d'un bolos. Anakin, Flo, tu le pisses, j'ai pris la tise au goulot. J'ai entendu qu'ils voulaient me clasher pour leur putain de promo. Libolo, y'a Merlabino, putain d'homo. On arrive, c'est bisous, bisous, ramène les filles, tes potos, michto. Allez, retour, poto, poto, c'est quoi les gifs, Mister Shizo. Faut que la popolis, po, j'suis un léopardo. Autre chose à foutre que qu'est, allez, bleu, cocorico. Cousin, cousin, tu lâches et tu l'attendais. On a traversé la tempête, on peut te frapper, faut pas tenter. Tu vas mourir, mon gars, même si tu m'as plombé, si je crève. Enterrer ma putain de Jordan à ma tente. Yes, sir and gentleman, ça arrive bientôt. Tu peux me croiser dans un gand, bouteille de Jack. Les jaloux, c'est la belle nouvelle, je fais le colana. Une chasse à tos ababos, Domi, David. Une chasse à tos ababos, une chasse à tos ababos. Quand mon bazar n'a c'est tos otas la ligolo. La famille Jolie, famille Mabiki, normal. Grosse exclue de mon gars sur LEFTY. Me, myself and I qui arrive bientôt dans vos oreilles. Écoutez ça seulement. Que je sois connu pour me connaître, mais j'arrive trop vite et cependant. Que toutes ces putains passions, je te présente mon crew d'indépendants. À défaut de faire des coups, je te fais des coups, plaques qui découpent. Et peu de chance, tu les découpes. Et tout d'un coup, avant des coups, car ici. Exclusive LEFT. Kingsties Timaya Stan, bien bon. Me, myself and I, ça arrive bientôt. Un 6 bloc prod. Nexo, c'est quoi les bails, mon gars? Ils attendent que je sois connu pour me connaître, mais j'arrive trop vite et cependant. Que toutes ces putains passions, je te présente mon crew d'indépendants. À défaut de faire des coups, je te fais des couplets qui découpent. Et peu de chances que tu les découvres sur une radio à grande écoute. Car ici personne sert les coudes, donc pense pas que tout est cool. Personne viendra porter secours, il faut savoir porter ses couilles. Et pour que tout le monde sorte de l'ombre, y'a pas de mystère. Faut de l'ombre, il existera dès que tu les penses. Que tu sois bon, que tu sois mauvais. Bienvenue dans ce putain de game, on se félicite d'être ensemble. Alors que depuis tant pour ce livre en fait une putain de guerre. Enfin bref, y'a pas de trêve légendaire que par intérêt. Prends le buzz car sur internet c'est pas même tu frappes la télé. Pas besoin de me faire repérer car mes gars m'ont déjà flairé. Jamais je compérerai avec des mecs que je peux pas plairer. De toute façon j'arriverai à mes fins d'une manière ou d'une autre. Je préfère échouer avec ma team que de réussir avec une autre. Team, je peux enterrer mon équipe. Il vend deux disques, j'ai commencé la musique. Il n'y avait ni vente ni bif. Aujourd'hui ça parle que de chiffres. Aujourd'hui ça parle petit. Demain ça fera la pute pour avoir des vues YouTube. J'ai pas attendu la majeure pour commencer à faire des sous. J'irai bien crever les yeux à ceux qui jouaient les sous. Car je suis pas là pour tant de la joue. Je suis pas de MC ballon. À force de dire que de la merde, ils ont rendu l'air qui jaloux. J'ai tout parti avec mes frères et je suis fier de ce qu'on est. On ne peut que se reconnaître car on ne fait que ce qu'on aime. On sait tous comment ça marche. Aujourd'hui certains te négligent. Demain t'es en tête du top et feront la queue pour te laisser la vie. Une spéciale pour ceux qui supportent ou s'issuent de sous le porche. Tout le nom de mon label assis BLOCK Prod. T'as beau tenter de nous mettre des barrières, on n'est plus à ça près. Car ce morceau c'est comme leur carrière. Il arrive à son terme. dit qu'on se verrait. Dis-moi qui peut enterrer mon dis-moi qui t'arrêter les. Dis-moi qui peut enterrer mon dis-moi qui t'avais tout fait. Dis-moi qui peut enterrer mon dis-moi qui t'avais tout fait. Dis-moi qui peut enterrer mon équipe. Dis-moi qui t'avais tout fait. Lefty qui t'avais enterré mon équipe. Lefty. Me, myself and I. Ça arrive bientôt. Ça arrive très bientôt. Très bientôt. Normal. L-E-F-T-Y. Ça sort d'un 6 bloc pas tout ça, hein. Faut le retenir. Lefty. Kémy. On est là ou pas? Mon nom est personne. Yeah. Aïe. Dédicace au boss man. Bon. Alino. Nitman. Large qu'un cours de Roland Garros. 40 paires de pompes, ça va de c'est un chi. Le mousse. Tellement frais que mes sables sortent du congélo. Chérie, t'es bonne, mais t'as fait le tour des télos comme Jello. Edmar. À peine sorti du bide, on devient des épequeños. Bima 6,45 à fond, Tony Ayo. J'pense au Zeyo, tous les jours je pense au Zeyo. J'me vide les couilles, puis j'retourne, j'pense au Zeyo. Sous la couronne du roi, tu verras le bel état. Colérique et froid, swag à la Vegeta. Criminel, c'est mon nickname. Statut de jester, au micro ça fait clickbang. Oussama sans la barbe, Black Ben Laden. Ton flow fait de la peine, on met des baffes dans les arènes. On arrive costaud, trop vénère. C'est Hachi, on fait les bails. Grosse dédicace à Lino. C'est dans mes gènes. Ça fait une pensée, je peux pas me limiter. On arrive costaud, trop vénère. On arrive costaud, trop vénère. Les ignorants râlés, mon boss fait parler. Marginal, on vise toujours le sommet. On arrive costaud, trop vénère. On arrive costaud, trop vénère. Yeah. Oh, ice, criminel, ice. Laisse la concurrence humiliée à des milliers de miles. Roi de la jungle, je baisse des tigresses. Je fais du business en mode tire-fesse. Calibré, demande à l'as. Ferme tes fesses, tu deviens barbant. Plus trop dans la tête, faut que je me cherche gravement. Une princesse en guise de mère, j'en parle rarement. Maquille à master. Éduqué à piller comme les barbares absents. 7-7. Si je deviens star, ce sera mérité. Normal. Déshérité, les grands du game demeurent pétrifiés. Les vrais le sauront, je serai refait quand mes soldats auront l'or. Mais pour l'or, je toise avec l'œil du sauron. Une pluie de punchline de phase en mode flocon. L'entrecuisse des faux M6 sans le saumon. Une dalle de réussir, format XXL. Je suis la faucheuse qui brille dans un 6XL. C'est dans mes gènes. Ça fait penser, je peux pas me limiter. Costaud, trop vénère. On arrive costaud, trop vénère. GNG, mon buzz fait ça arrive bientôt. Marginal, on vise toujours le sommet. Normal, bien bon. Costaud, trop vénère. On arrive costaud, trop vénère. Hey. Jusqu'ici, je suis satisfait. Seul les vrais le reconnaissent. Parle de plus sous mon sportswear. J'suis un scar là de luxe comme les boss man. Un S floqué sur le torse. Mon oreille droite scotchée sur la porte. Si le rap foire, j'aurais des kilos de coffre dans le Porsche. J'fais du coller serré à la prod. Kinshasa ma drogue. J'suis le $1 million boy. Libola, merna bango. T'aimes les ambiances club. Devant le clock, tu danseras le tango. Oyo kisango, tole lambongo. M'assassina bala bala combo nanga molengo. Ils veulent des grosses berlines, grosses bitches. Comme Socrate, je suis un homme Nikki. So je te vois frère. Ça fait penser, je peux pas me limiter. On arrive costaud, trop vénère. On arrive costaud, trop vénère. L'espèce ignorant râler, mon buzz fait parler. Marginal, on vit toujours le sommet. Yeah, costaud trop vénère. Costaud trop vénère. SP accompagné d'Alino, le boss man, le luxe. SP au contrôle de la nocturne ce ouais. soir. Toujours. Avec DJ Mist et puis également d'autres invités. Hein. Ouais, bien sûr, il y a Lefty. Un morceau là à l'instant. Ouais, il y a Lefty là. Lefty qui va se présenter lui-même. Bah voilà, petite présentation, petit CV Express de Lefty. Bah, CV Express, moi-même Lefty, membre du groupe, du label, hein, 6 Block Pod. Ouais. Voilà, toujours avec SP, donne la force depuis toutes ces années. Toujours actif. Ouais, toujours. Donc voilà. Bientôt ça arrive, Me, Myself and I qui est en préparation. Là vous venez d'entendre Mon Nom et Personne qui va pas tarder à faire son entrée dans le milieu. Donc, exactement. Je vous laisserai découvrir ça. Voilà, c'est un extrait de son prochain projet qui arrive là. Et on peut te suivre où alors Lefty, attends, pour les gens qui sont intéressés. Vous pouvez me trouver comme sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Alors c'est Lefty94. Alors Lefty94SD. Pareil pour la page Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Et toujours aux côtés d'Espi. Toujours. Donc, c'est mon gars depuis le début. Hein. T'as il est là. Déjà vu, Fredo? Bah, bien sûr que j'ai déjà vu. Normal. Il est là, à ta gauche, comme d'hab. À ta droite. Voilà, à la droite. On a changé un petit peu les coups. À ta droite, pardon, excuse-moi. Voilà, donc en tout cas, c'est le prochain qui arrive et ça va faire très mal, très très mal. Très bien, on va suivre ça dans quelques minutes du live aussi. Mais là, on va repartir pour une nouvelle session. Bien sûr, complètement. On repart pour une nouvelle session. DJ Mist. Il est là, il est chaud. Chauffe, toujours. Andy Caps. The New Flame. Ah! Yeah. Grosse dédicace handicap de Lorraine Remix en compagnie de mon gars sûr LEFTY alias Gangs bien bon. Attends, y'a des barrières CR sur ma tête, je me contrôle plus quand la prod m'appelle. J'appelle quand le rap m'intéresse, mais en aucun cas car le rap ça paye. J'raconte l'arc des bouts de ma vie, j't'invite pas dans les rythmes ma vie. Par les reins de vous, je suis de ma vie. DJ Mist, il est chaud là. Ah, il est déter. Aïe, GNG, ça arrive très bientôt. Très bientôt, premier album SP. Partant, y'a des barrières CR sur ma tête, je me contrôle plus quand la prod m'appelle. J'appelle quand le rap m'intéresse, mais en aucun cas car le rap ça paye. J'raconte l'arc des bouts de ma vie, j't'invite pas dans les rythmes ma vie. Par les reins, devenir une star, j'veux juste des étoiles dans les yeux. J't'attends pas, j'vais rejoindre les sommets. Me, myself, and I. J'vais tous les sceller, pas moi, l'faudra assurer. Le jour où la rue va t'auditionner, mais bon après tout, à tes risques et périls. J'ai osé le profil d'un enfant terrible. J'ai mis ma fly dans le coffre et quand autant que j'l'ai traîné sur le périph. Pas le temps de jouer, LEFTY, pas le temps d'échouer. Jusqu'ici, j'ai su déjouer les pêches de la vie, que Dieu soit loué. Jusqu'ici, j'ai su me débrouiller pour faire un petit ou un gros billet. Toujours réveillé, jamais roupillé, comme une grenade à découpiller. Fuyez, qu'est-ce que tu crois, je viens prendre ma place. Mon équipe et moi, on fait bande à part. Tête, ma foi, me guide pas à pas. Je vois l'enfer qui me prend ses portes. Je vois ce game qui m'insupporte. Et rien que ça me laisse quand je dis ce que je pense. Trop le game, c'est trop de personnages. LEFTY, mais moi, j'ai fait là. J'ai mis un kick dans la barrière. Yeah! Lâche-moi et je brise ta carrière. Attention, frère, attention. Ce que mes chansons, ce que tu racontes dans tes rimes, moi mes chansons. Mes chansons. Jason, gentleman. Jason. Si à lunettes, je sors du boulot et à me, myself and I. Je sors du boulot et à me. Non, je suis pas en Casal, Ray, je suis en Tom Ford, il rappe le boule à l'air et smacky comme Ozzy Osbourne. Donc abdiquer, ou c'est mon crew qui va rappliquer. Sera obligé de me lastiquer pendant que le rap game je vais plastiquer. Ah, je me fatigue, clic, clic dans le barillet. Gros mytho, on s'est pas quitté. En plus de ça, tu sais pas kicker. C'est le fusil mitrailleur qui donne les ordres, y'a pas de prix. Mix accompagné du MC venu d'ailleurs de Lorraine Remix. Un 6 bloc, on les met tous dans les gorges. Lève les portières papillons et prends le chétan par les cornes. Un millénaire d'avance que tu vis, j't'ai déjà vécu. Ice cream, il rajoute-moi des euros sur mon putain de PQ. J'ai mis un kick dans la barrière. Clash-moi et j'brise ta carrière. SP. Par ici, ça m'exprime mes chansons. Ce que tu racontes dans tes rimes, moi mes chansons. J'ai un gentleman. Fusil à lunettes, sort du de l'eau et à me, myself and I. Sort du de l'eau et à me, myself and I. Yeah. Hey. Là c'est Rima. 1-6 Block 3. Appelle-moi. Appelle-moi. Hey Rima, je te vois, petite sœur. Fusil, stop, on pose. Bien bon. Par les reins de ton blaze, moi c'est R.I.M. Atroce. Si je te de règles, donc on dans le rap et cap, plus de mic, il reste une crosse, va dire. À tous tes sables, du rap game, c'est moi à la boche, j'ai des beats, mes faces, pas la peine, me déjà. J'atteste ton style, les bofs, coûte crosse dans les canines. Ton flow, ton purage, je le manie, c'est là. Coupe ton mental à la tête, regarde que Tony a fait à Mani. Série marquant dans tes enceintes, j'arrive avec 6-3-5. Quand y'a Dirba, demande à Dirba qui fait parler le 6-35. Dans la musique, content, Bass, Michael, MC, les deux, buzz, crash sur ton feed de star, j'ai pas besoin de ça pour faire mon buzz. Non, Bruce, sont les proches que je passe quand je pose, je chasse au match. La petite qui te laisse de classe, qui blesse tes faces, qui remet tout le monde en place. Est-ce que tu connais la petite qui assassine? Si ta petite sœur fait du rap, dis-lui Crima, c'est l'assassin. L'assassin, je braque l'avenir avec un calibre. Y'a pas de gangster dans le rap qui voudrait jouer le 44. Cap. Appelle-moi, trans, pour fumer le game, j'ai commencé. Rima, quand ce stud, je me passe des commentaires. Appelle-moi, R.I. criminel au mag, je vais faire des dingues. Si je mets ta carrière en sucre, appelle-moi trans pour fumer le game, j'ai commencé. Rima trans sur stud, je me passe de tes commentaires. Appelle-moi R.I. criminel au mag, je vais faire des dingueries. Fonce pas les sourcils si je mets ta carrière en sucre. Appelle-moi coup trans. Ils sont bons qu'à faire des trucs sales. À peine ils te serrent la main, ils anticipent son prochain coup de grâce. C'est Rima trans en fit, sort de mon stud avec un coca. Je les ken au quota. Quand tu rappes, je te crois dans le coltard. Viens pas me cirer les pompes, cousin, à force, elles vont trop briller. Des dépillés dans la cheveux pour rien la foutre, ce que je veux c'est prier. Le voile fait pas la halal, tout comme un frère et sa barbiche. Elle passe son temps à se faire qu'elle, à croire qu'elle est sponsor par Barbie. Barbie, je t'écris ma pif pourtant, je connais rien de mon mec tout. En tant que mari, c'est des chiens, mais en tant que poteau, des mecs cool. Je suis hâle pour faire du sale, comme ton R.I.M. Ah, je veux qu'on répète mon blaze et mes phases, appelle-moi R.I.M. Ah, j'ai trop de taille, frère, c'est die, je me prends pas pour une caille. Rap, je rap, je mets des frappes, flow, 44, cara. Il m'a fallu d'un 16 pour les mettre à l'amende. Niki fait mon ménage et me sert une chicha à la menthe. Appelle-moi, Koutros, pour fumer le game, j'ai comment faire. Rima trans au stud, je me passe de tes commentaires. Appelle-moi R.I. criminel au mic, je vais faire des dingueries. Pas les sourcils si je mets ta carrière en sucre. Appelle-moi coup trans pour fumer le game, j'ai comment faire. Rima trans au stud, je me passe de tes commentaires. Appelle-moi R.I. criminel au mic, je vais faire des dingueries. Pense pas les sourcils si je mets ta carrière en sucre. Appelle-moi coup trans pour fumer le game, j'ai comment faire. Rima trans au stud, je me passe de tes commentaires. Appelle-moi R.I. criminel au mic, je vais faire des dingueries. Pense pas les sourcils si je mets ta carrière en sucre. Appelle-moi coup trans pour fumer le game, j'ai comment faire. Rima trans au stud, je me passe de tes commentaires. Appelle-moi R.I. criminel au mic, je vais faire des dingueries. Pense pas les sourcils si je mets ta carrière en sucre. Ah ouais, c'était Rima. Son projet il arrive aussi bientôt. Un 6 Block Prod. Ah. Hey Yous. C'est le remix. Bomaye. Quand vous avez dit c'est pas Taipan, maintenant. Taipan, Aina. C'est pas Sams. En attendant, Bomaye. Il y en a pour 5. Bien bon. C'est ça, même. C'est fini, ouais. On n'a pas de limite. Je me demande où cela nous mène. Dis-leur First Lady. Non, pas seulement. Pour vous dire que Sam, c'est fini, Yama. Le ciel c'est la 33, limite. Je me demande où cela nous mène. Salut seulement. Je connais, non. Nouvelle année, oh non. C'est beau maillé, oh non. Tu crois moyen comme une major, c'est teinté, cogno. On distribue les cartes et creuse les cartes. Autodidacte, les rageux n'agissent pas. Le peuple, la foule se lève, c'est formidable. Ce game se perd, à ton foot la migraine. Où sont passés les cheveux crépus, maintenant sont tous la coupe à Miguel. Conscient qu'ensemble ta kick dure, en sang sur mon écriture. Conscient que tu es grand, c'est pour écrit de manière écrite. C'est le 33. Pays raciste français, tu mentais là. Crache sur l'épiderme terme, 2000 francs. Tu vas poster la rive de Mandela. Ce soir tout le monde est là, l'industrie prend peur. Bap double à Cooper, les MT font la queue comme pour le double Cooper. La mer est écartée, ces connards de rappeurs encastrés. Ils servent de tuin dans leur quartier, je te jure je peux plus les encadrer. Ils sont tous nazes, j'ai vu leur dépouille à la casse. Criminel Ice, le Iron Mike du fond de la classe. Bien bon, falché leur gimmick, je te parle même pas de leur Lamborghini. Le bon mal sort, ça revient du bled, sponsorisé gris-gris. Ça kick sans faire de chichi, geste et choque le game. Comme on vend dans 16 000 disques en indépendant seulement la première Chester semaine. Chester and Gentleman. Prêt à beaucoup pour les gros chèques, excepté les singeries. L'auteur de l'intérieur cuir neuf nous fait faire des dingues. De retour t'as un zombie, je repars jamais les mains vides. Nous, des problèmes de conduite, eux, des problèmes de lingerie. C'est pas maintenant. C'est pas. Vous êtes long, on vous a dit. C'est pas maintenant. C'est pas ma... c'est pas maintenant. Vous êtes dans des gestes. Dis-le, Aïda. Mais on n'a pas de limite. Je ne sais pas où cela nous mène. Taïpan. Vous dire que c'est fini. Mais c'est la limite. Je me demande où cela nous mène. Bébisa, quoi? Bébisa. Pour moyen, ça veut dire tue-le. J'ai du mercure dans les veines. Je me déchaîne quand ça brûle. Ça tape dur, les vrais reconnaissent les vrais, mais les vrais reconnaissent les vrais, c'est le reste. Reconnais la semelle de mes chaussures pour le succès. J'ai su aimer le succès, créer des rancunes. Si t'as pas envie de suer, bah faut mettre un C en plus. Y'a personne qui me censure. À chaque fois que je lâche une putain de rime, j'ai l'impression de vomir une enclume. Panzarelli. J'encule toutes les modes. Les modes, elles partent, elles viennent. Y'a plus que les vieilles qui ont la Parkinson qui danse encore le Harlem Shake. Yeah. Moi c'est Taipan, je fais des rimes mortelles. Mon album s'appelle Faites l'amour, mais il ne sort pas chez Marc Dassel. Le nom de mon label, c'est un cri de guerre pour partir en campagne. C'est pas le gémissement d'une bouffe qui vient pour trinquer le champagne. J'en parle à mes frères noirs avec le cœur, ça va. Plus on se ressemble, plus on s'élimine. Cette vie, c'est Candy Crush Saga. Banakin, Oye, Banakongo, Oye, Nanya Zoning, Issa Zozik, Issa Mizik, Boye. J'arrive en vengeur masqué, MC de la pire espèce. Si le talent était taxé, je paierais l'ISF. Marianne me prend pour un suspect, car mon hardcore la gêne. Quand je dis bon maillet, c'est Cassius Clay, c'est pas Major Lazer. Dieu seul sait, moi je sais pas vraiment, mais bitch, quand on te dit c'est pas maintenant, putain, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Quand on vous dit c'est pas c'est pas, c'est long. C'est très très long, Prince. Laisse tout ça. Exclusive. On se la refait encore une fois. Le clip il est sorti tout à l'heure. Robin. Disponible sur iTunes. Premier extrait de Jester and Gentleman. Album solo. SP. Robin. Jester. DJ Louis au contrôle de la nocturne ce soir. SPZ au contrôle de la nocturne ce soir. Un 6 bloc prod au contrôle de la nocturne ce soir. Yeah. Robin, GNG. Faut chèque à la caisse d'épargne. T'auras ta part si tu restes calme. On rentre dans le club, elles agressent nos tables. Couche Red Cup, toi tu restes au bar. On a vendu des stupes pour sortir des CD. Maintenant on passe à la télé. Yevisa, Bango, Toza et Bélé. On va les mêler. Plus de patates, les rappeurs se mettent des balles dans le crâne à la comète. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, Ariane, Robin. On s'invite, fais péter la tease. Mes négros ne savent pas danser. Arrêtez de faire les blindés. On sait qui a fait le million dans le rap français. On les effraie, on les refait. Plus de respect. Sors mon skeu dans la nique sa mère. Ils sortent le leur, plus d'airplay. Criminal Eyes, toujours frais. Pas de cortège, concert au bled. Quatre cortèges, autour du cou. J'ai mes chaînes et ma ceinture en quatre bordels. Robin, Ariane, Robin, Ariane. Tu es un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Robin. On n'a pas la même life, on peut pas parler de la même chose. On n'a pas la même cam, on peut pas viser les mêmes doses. Négo, gère bien ta meuf, devant moi elle frappe à la pudique. Ils sont prêts à tout pour un buzz, quitte à s'afficher face au public. La paire est neuve, 2-3 liasses dans le cartonné. Ils parlent que trap toute la journée, mais font les hustlers prêts à se bastonner. J'en rigole, j'ai pas changé, toujours en TikTok. J'ai pas eu de papa, moi j'ai pas d'idole. Après mon passage, y'a plus d'anti-pop. Tu m'as vu gester avec la beau maillet team. Chico en argent, red cop sur le ring. Nigga, il est in, ça la prod. 2014, c'est l'année du King. Jester and gentleman, on m'a dit doucement, tu vas faire mal au man, j'ai la vue. Rouge sang, fallait pas parler mal, mais coup, tu les sens, je suis un pur animal. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Du game, du game. Yes, ice, S, S, ice, Kimmy, S, S, S, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin, Ariane, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin, Robin, Robin, Robin, Ariane Robin, Ariane, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Ariane Robin, Ariane Robin, Robin, Robin, Ariane Robin, Robin, Robin, Robin, Robin, Ariane Robin, Ariane, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin, Robin. Premier extrait de l'album GNG qui arrive incessamment sous peu. C'est la nocturne avec Espy au contrôle. Oui, Fred. Et donc ce morceau est sorti, on a les images. Hein. Exactement, il y a les images déjà qui sont disponibles. On peut suivre, on peut mater. Bien sûr. Et allez, pour tous ceux qui veulent encore des infos additionnelles, il faut aller sur le Twitter @IceCriminel, le Facebook IceCriminel, mon Instagram SPI.officiel, le site blogprod.fr et bien sûr la chaîne YouTube Insist Blogprod TV. Waouh! Ah, je suis wow. Tu m'engages ou pas? Ah ouais, direct. Bon, SP au contrôle de cette nocturne. Ouais, on rappelle aussi que pour 2,99€, vous avez un EP. Bien sûr, vous avez les chroniques d'un GNG. Tout de suite, là. C'est maintenant. On peut cliquer, on l'a quoi? En 10, 15, 20 secondes? 10, 15, 20 secondes, là. C'est maintenant ou jamais. Allez hop. 2,99€. Et avant de se quitter, parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, t'as d'autres choses à faire, je sais, le vendredi soir. Ouais, tu sais, vendredi soir, c'est un peu une soirée privilégiée, tu vois. Même Mist, il a des trucs à faire, il est là. Ouais, ça va, ça va. Pour l'instant, il est là, il est pro. Pour l'instant, il est pro. Faut le tenir tant qu'il est pro. Il est pressé de finir, là, je vois. Non, ça va. Il a des rendez-vous nocturnes à ce temps-là. Des rendez-vous pro, bien entendu. Mais on va partir avant de se quitter avec une session freestyle. Bien sûr, bien sûr. Accompagné de Lefty. Au micro. Moi. Toi, évidemment. Lefty. Bien. Et une petite surprise que je réserve. Et bah, c'est quand vous voulez, messieurs. Ah bah, vas-y, on est parti. Session live. Hop là. Dans la nocturne. Yeah. Yeah. Insist Bug Prod au contrôle de la nocturne, SP. Lefty, yeah, on est là, je sais que t'as un truc là. À leur dire, mon gars. Hein, j'ai envie d'entendre ce que t'as à leur dire. Yeah. Dis-leur, s'il te plaît. Tu peux leur dire d'aller se faire enculer, venez d'ailleurs. Ici, j'ai du mal à m'habituer. Ah. Dis-moi dans laquelle des rues tu traînes, je te dirai dans laquelle tu te feras tuer. Ah. LFT, yeah. Dans les parages. Uh-huh. T'as pas compris, uh-huh. Il faut que tu t'arraches. Uh-huh. Casse-toi de là, un uh-huh. Bon débarras. Uh-huh. Même ceux qui t'apprécient, uh-huh. Tu niques et t'arras. Ah. Tu fais la musique comme à l'usine. Yeah. Mais dis-moi qui tente de rivaliser. Les MC produisent des usines de l'oseille et se comportent chez eux comme au musée. Uh-huh. Passe-moi le mic, yeah. Je te montre comment on paiera. Je te sens perdu comme mes ennemis. Arrête le rap, va faire du yoga. Ça te fera de l'air et des économies. Ferme ta gueule, tu serais nos vies. Ah. C'est encore moins ce qui se passe dans nos crânes. Yeah. En ce moment, je fais l'astronomie. J'ai besoin d'espace et d'un planète. Rappelons l'autonomie. Jamais ne cesse. Toujours au bédo, mais jamais de cesse. Woo. Je fais mon boulot, mais jamais je cesse. Woo. Toujours au bédo, mais jamais de cesse. Ah. Je ne pas grailler dans mon assiette. Uh-huh. Ici de 9-4 département. Yeah. On fait pas d'entente au règlement. Yeah. On brise les autres directement. Acharnement sur demande. Je kick ça salement sur de moi. Ah. Faut plus d'entente au règlement. Yeah. Yeah. LFT. Ça fait des années que j'ai ma place. Ça fait des années que tu vois le place. On demande pas, on prend ta part. On se mélange pas, on fait bande à part. Un 6 bloc, pas de vantard. Starting block, si l'affaire est rentable. J'arrive à grands pas, faudrait qu'on en parle. Dans leur fouille, j'ai vu des éventails. Ice, crimi, jamais, limite, jamais, fini, jamais, timide. Fallait, pas négligé, j't'allume, comment, Siri. B2O, c'est pas bien. Tu les as tous mis au uncut. Au tatouage, à la muscule. Mais ils n'auront que le swag à Steve que. Le rap prend cinglé, ils vont la vie en cinglé. Que des poucaves. Moi, j'taffe en indé, pour finir blindé. À la Franck Lucas. J'suis que de passage. Dis-moi, c'est où le casse. Ils se voient la face. Mais ils se font recaler où j'passe. To the beat, Insist Bloc Prod, bien bon, yeah, Insist Bloc Prod, L-E-F-T-Y, S to the beat, Flasco, yeah, yeah, avant c'était des kilos de bœufs, oh. Servais dans un tout, avance, ah, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, poulo, ok, yeah, yeah, yeah, yeah. Avant c'était des kilos de bœufs, je servais à des gourcules. Avant je sortais d'un Clio 2, maintenant je sors d'un tourbus. Avant un channel c'était deux, là je défourre plus. Avant je calculais trop les rageux, je les écoute plus. GNG, chronique à la DRI. Je fais même danser les Kaira du Tchex à la B.I.G. 10 bouteilles de tous les styles dans le carré VIP. Mes pires ennemis, je les guette. Œil de Sauron dans la pyramide. Eyes gleaming. Yeah, yeah, yeah. Eyes gleaming, gleaming. Left, left, left, left, left, yeah. Fais-moi de la place quand je débarque. Je rappe à accorder le départ. La NFT dans les barrages, dans le bazar, j'ai tiens des barres. Mais dis-leur que j'ai pas lâché, pas lâché. Je vais pas cracher, pas là. Faut que de rabâcher, rabâcher. Quand sur les portes, je me balade, ok. Pas de commentaires, on pète les portes. Pas de temps perdre, on te refait le portrait. Bouffe le parterre, t'en fais pas, frère. Aucun de nous te prendra pas. Ah. Persiste, on m'a dit que tes paroles sont précises. Trop hystériques, sont terribles. Tu peux dire que tu paieras pour le plaisir. T'es baisé, piqué. J'ai salement besoin de cash. Je veux ça, salement besoin. Passer le message quand le sang montre un vrai conscient. Je m'acharne sur mes pas. Comme par magie, des garçons, si tu te passages qui ne m'empêche pas d'éviter dans tes matchs. Ah, yeah, nocturne, SP. Ok, yeah, yeah. Ice cream et creamy, ice cream et creamy, ice cream et creamy, ice cream et creamy, ice cream et creamy. Ok, yeah, me compare pas, je. Left, left, yeah. L-E-F-T-Y, L-E-F-T-Y, Amélie, Amélie, Amélie, à ce qui paraît, Amélie, Amélie. Toujours pas millionnaire, mais d'un 4 quarts dans le milieu, on erre sur la tête, je frappe à l'arménienne. Sans la patate, j'ai la rime qui pressionne, être si tu crois que t'impressionnes cette phrase. J'ai plus quoi, y'a personne qui braille quand la poche, pas gaz en perso. Personne, personne m'enlèvera ma passion. Comme un emmène, j'en meurs d'impatience. T'as voulu nous la mettre, t'as pas de chance. T'as fini la tête dans le pare-choc. Get l'équipe de Barjo, la S. Des clics, des barques, c'est trop grave. Pour que tu enrages, trop gore. Et trop engagé, trop fort. Et trop enragé, trop bas. Donc tu en parles, regarde. Comme tu en parles, je le vois. Dans ton regard, mais faut pas. Dans ton caca, on faut pas. J'ai qu'une seule parole, donc avale avant qu'un coup de feu part. Yeah. Elle FG dans les barrages, tellement déter, je pète les barrages, t'as voulu nous la mettre, t'as pas de chance, tiens. Un 6 block prod. Un 6, me myself and I. Un 6 block prod, me myself and I. GNG. L'album arrive incessamment sous peu. Yeah. Let's go. Un. Flasco, Flasco, soldat sûr, un 6 bloc, Flasco, soldat sûr, dis-leur Flasco, dis-leur mon gars, c'est comment? Pour la musique, je suis déterminé à autre chose qui m'attire. J'ai pas changé la technique, j'ai pas changé la matière. Frérot, dans les poches, j'avais zéro dos, maintenant je fais de la monnaie, gros. Ce soir, on fait péter la taille au calme avec les rayons néant. Roulib, roulib, roulib, j'ai pété le son est terrible, terrible, terrible. Au mic, j'ai tiré à délai tous les MC, mais vite dans mon équipe, y'a des. Z, des Rital, mon son résonne dans la caisse, c'est de la frappe lyrical. J'écris comme un drogué, pourtant je me drogue pas. Quoi? Je viens d'où? 9-1, rock, ma et pas les deux méga. Je mets des chaos sur chaos, je me bute au son comme un camé. Putain, le son m'a rendu barreau. Impossible de me calmer quand je pars, c'est mort. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'abattre. Tant que j'ai mes soldats à mes côtés, rien ne peut me freiner. Yeah. Bam bam, lef, elle est lourde, dis-moi. L-E-F-T-Y. Yeah. T'as quoi à leur dire, mon gars? T'as quoi à leur dire, mon pote? Ok. Yeah. Moi. Déraciné, déraciné, déraciné. Déraciné, déraciné, déraciné, déraciné, elle est ciné. Dans les barrages, ciné, ciné. Yeah. Myself and high. Déraciné depuis des années, je n'ai fait crimer pour m'exprimer. Autant dire que je suis rentraîné, je traîne mes équipes plus la primaire. Je m'étais promis de finir premier, c'était sans compter sur les coups du sort. Me demandez pas si des gouttes de sang me rapporteront plus que des gouttes de sueur. Je n'ai pas de réponse, pas de pause. Laisse-moi passer que je prenne place, je n'ai que des frères, pas de potes. L'amitié ça vient, ça part, on se prend la tête, on s'adore, on se parle. Enfin, on se tape des barres, mais sur ma tête, ce qu'on vous prépare, beaucoup ne s'en remettront pas. Ha! Un 6 bloc prod. Yeah! Un 6, un 6 bloc prod. Yeah! Wouh! Ice creamy creamy, L-E-F-G, Flasco. Yeah! Ice creamy G-N-G, ok. Yeah! Je mets un faux chèque à la caisse d'épargne. T'auras ta part si tu restes calme. On dans le club, ça graisse notable. Coucherai de cup quand tu restes au bar. On a vendu des sucres pour sortir des CD. Maintenant on passe à la télé. Ibiza Bango, Tosa et Bélé. Bélé, on va les mêler. Plus de patates, les rappeurs se mettent des balles dans le crâne à la crevaine. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, on s'invite, fais péter la tease. Mais les gros ne savent pas danser, arrêtez de faire les blindés. On sait qu'il y avait le million dans le rap français. On les effraie, plus de respect. Je sors mon skeu dans la nique sa mère, ils sortent le leur, plus d'airplay. Criminel Ice, toujours frais, pas de cortège. Concert au bled, 4 cortèges. Autour du cou, j'ai mes chaînes et ma ceinture en cas de bordel. Ah, Robin, Ariane, Robin. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, Ariane, Robin. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin. Robin, Ariane, Robin. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin. Ariane, Robin. Yeah. Ok, lève. Bien bon. Ok. Bouge de là, t'es dans ma perspective. Me voilà, et pourtant c'était si perceptible. Je les entends, et tout ça me rend super sceptique. Il serait temps, chacun regagne sa place respective. Toujours test, depuis l'époque du respect. On m'a dit, fais ton taf et pour le reste espère. Je constate que les dégâts, je suis devenu presque s'espère. Dans la vie, plus t'as d'espèces et plus elles se laissent faire. Nord, sud, est, ouest, frère, faut qu'à fond le son résonne. Ça changerait un peu de la merde qu'on tourne en journée sur les. On vient mitrailler le réseau. Assist Block, c'est le label. LFT, c'est mon blush. Je suis une espèce rare. Explique, qu'est-ce clair. Coupe le reste, non, laisse-moi voir. Ça paraît clair quand je leur souhaite qu'ils aillent se faire voir. Pas de stress, frère, les haineux, je les laisse en voix. Qu'est-ce qu'un jour je serai le best friend rap. LFT, Flasco, SP, ok. SP qui a pris le contrôle de la nocturne ce soir pour annoncer le premier album GNG qui arrive incessamment sous peu. Lefty aussi arrive avec Mimal Self and I. Donc pour tous ceux qui veulent des infos, c'est le Twitter @IceCriminel, Facebook IceCriminel, l'Instagram SPI.officiel, la chaîne YouTube Assist Blog Prod TV et le site blogprod.fr. GNG, Lefty. Yeah, bien bon. Merci à vous pour cette nocturne. Merci à toi, merci Fred. Merci SP. Merci à toi, Lefty, qui était là ce soir. Normal. Et à tous les autres qui étaient là aussi ce soir. Normal. Nocturne 100% rap français. Il y avait Mist au contrôle. Il y avait Richie. Il y avait Lexos. Il y avait Five qui était là. Il y avait Climax. Il y avait Makila Masta. Il y avait Tosma. Il y avait Beast. Yeah, grosse dédicace à Rima aussi. Bon, t'inquiète, j'attends leurs gestes. Bientôt, ça va revenir. Ça. Youssoufa, Sam, Saina et tous les autres. T'inquiète pas, ça va revenir. Envoyer tes locaux ici, t'inquiète pas, et frère. Puis on t'attend aussi. Et puis on rappelle que 2,99€, vous avez le son de. Les chroniques d'un GNG, bien sûr, et le clip qui est sorti tout à l'heure, Robin. Donc, allez jeter un œil et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et ben, merci d'avoir été là avec nous. Merci à toi, Fredo. Bien, merci à toi. Et pendant une heure de son, encore 100% rap français, on continue le son de la nocturne avec, bah, tiens, peut-être quelqu'un que t'aimes bien. C'est un mec qui vient du 9-4 comme toi, c'est la crime. Ah, bien bon, la crime. On va partir avec le son de la crime maintenant. Bon. Et un extrait de son album Corleone. Ciao, messieurs. Aye. Ciao, frère. Ciao. Planète Rap. 100% rap français. Gros, bah oui, prends-nous en photo. Gros, bah oui, passe-nous des micros. Gros, les tchapas sont dans l'auto. Gros, la curiosité, un vilain défaut. Tu parles de qui? Tu parles de moi? Moi je te connais pas, je ne plaisante pas. Reste tranquille, Renoir. Moi je parle d'ici, mais je suis partout chez moi. Broly, Kalash, Uzi. Trop de salopes sur la ville, ma mère. La dernière verre, je vais tous me les faire. C'est toi qu'on veut pas casser les jambes. Faire courir les gens. Tenez sur les champs. Qui peut être avec moi? Personne. Je vous baisse toi, lui et elle. Tout seul, la me. Versace, Rolex, je suis pas Qatar. Le pétrole, ma fille, la chérie. Non, tu veux faire la guerre mais t'es pas prêt. Non, crois-moi, non, blague pas. Non, s'en bat les couilles de ce que t'as fait. Non, pourquoi te regarder quand je suis refait? La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous, la vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous, la vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous, parce qu'on aime ça, on attend ça, on est pour ça, on baise là, pronto. T'es son téléphoné, ton équipe de bouffon. Te fera cellophané par lui, par mes frelons. Ah ouais, t'es un vrai, moi je sais que t'es un faux. J'suis dans les faits divers, t'es qu'à la radio. Cramé et mon équipe, pas de CB du liquide. Si je te fais mon équipe, la cavale un grand kit. Donc je m'arrache au double. Alger, Corniche, Sheraton, je serai jamais extra des meufs pour deux tonnes. Les couilles et l'honneur, l'oseille et les tarpés. Les harbés, les harbés. Big up aux vendeurs, aux braqueurs, aux tueurs, les amis, les ennemis. La tête sur l'eau, au fond de la rue, t'inquiète, c'est nous. 3 millions, ça c'est pour la daronne. Mais pour t'y piger, mon frère, on prend tout. On prend tout. Comme tu sais, on a peur de rien. On a peur de rien. Ta vie ou la mienne, en vrai, j'en sais rien. J'en sais rien. Ratata, ratata. J'suis déjà loin. 9-4, Marseille, Bondy, Nord, et j'oublie pas les Montreuil-Loin. Non, je vais faire la guerre, mais t'es pas prêt. Non, crois-moi, non, blague pas. Non. S'en bat les couilles de ce que t'as fait. Non. Pourquoi te regarder quand je suis refait? La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. Parce qu'on aime ça, on attend ça. Mais pour ça, on baise la pronto. C'est la Nocturne, c'est 100% rap français. C'est reparti pour une bonne heure juste après l'heure passée avec Espy, la Nocturne, qui s'est ouverte pour cette deuxième heure avec Lacrim, extrait de son album qui est dans les bacs, qui fait un véritable carton, hein. Numéro 1 des ventes, l'album de Lacrim, Corleone, Pronto, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. À venir, le son de Lino, d'Ice MC, ça arrive dans un instant. Cozy aussi, une dédicace au poteau Cozy Nyama, toujours à l'écoute de la Nocturne, 100% rap français. Il y aura aussi un son de Gizmo juste après, c'est la Nocturne. Envoyez les messages bombardés 41759. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Ça c'est mon code PIM. Vos punchlines sont trop téléphonés. Changez vos combines. Je ferai concu à ma feuille si t'es mieux que ta copine. À part que je suis du 9-2, je peux rien. Qu'est-ce que tu sais de ma vie? J'ai un cerveau de bras de pieux comme toi. Pour ton rêve, tu m'en vis. Je baise le rap, le vendeur de rêve et tous ces fucking bitch. Ne tourne ta langue cette fois avant que tu speak. Parle-t'en de façon t'es ménia, ma faut qu'on les fume tout de suite.

Ouais, ça sent la putain de Tetris. Ça fait longtemps que j'ai de la maîtrise de leur vice et de leur bêtise. Demande pas pourquoi je les méprise. Faut que ça marche avant que ça me les brise. Voir le cash enfoiré des vices. Que je mette les liasses dans mon Levi's. Une billarde autour de mon pénis. On est des banlieusards habitués aux palpations. Les rappeurs, c'est des bimbos. Y'a les formes, mais y'a pas le fond. Et je peux t'en citer des centaines sans identité. Mais dans ce game, y'a une quantité démentielle de petits gens friqués. C'est dans le zen. Merde, ils nous parlent de lance-roquettes. Sont jamais vu un œuf, à part pour se faire une omelette et la ramener à leur meuf. J'ai que des images de salauds. Balance des freestyles de poireaux. Le peur, c'est comme chez moi. Donc même en slibard, je barreau. Toujours efficace quand j'arrose. Je suis venu pour tous les plier. Bah ouais, je m'en branle de votre lèvre. Je suis avec les piliers. Faut une tisse, mais qui déchire. Une solia dans la poche. Un petit équipier vif qui fait pas le jeu. Là quand ça se cogne, les spliffs défilent dans ma gorge. Hiss, Derrick sans ma drogue. Mystérieux, je plisse les yeux dans ma crotte. On met du temps à faire le tour de tous nos fils. On a pas eu de papa poule, mais sache qu'on fera tout pour nos fils. On a le mort, on n'est pas venu pour jacter. Mes concurrents sont forts seulement à la course à pied. Avoue que ça le fait quand je la découpe. À boule la fraîche, m'en bats les couilles. Pars sur ma tête, et v'là les couilles. Viendront danser sur ta dépouille. Et c'est garanti sur facture. Attentif, moi je suis plus un apprenti. Je suis un affranchi des fractures. La vente libre de Cambure, ça enrichit mais pas sûr. En une perquise, tu perds la penderie, les voitures. C'est véridique, je te préviens. J'ai le seum, et s'il m'annonce un cancer, y'a des chances que j'élimine le médecin. Des silhouettes de North Face se baladent dans le noir. Quand ça caille, sans tracas, ça bavarde dans le bac. Souvent dehors, quand la tour Eiffel se met à briller. Soudain, des rêves de billets nous parlent et nous font frier. Problème d'identité, quand tu sais pas ton père c'est qui. T'as l'impression que l'enfer c'est toi, que le monde entier te persécute. La solution c'est de mettre les voiles avant de connaître le rest in peace. Il faut pas qu'on enrichisse le 5 étoiles de Belzébuth. Faut pas qu'on flanche, non. Franchement, je regarde le temps qui passe et je me dis qu'on a besoin de changement. J'agis étrangement, je voulais pas fauter, je voulais m'élever. On a saboté ma rampe de lancement. Et on est pas flemmards. On a trop donné sans rien recevoir. Enfermé dans des halls où ça chlingue le spa. Ils disent que qui s'abuse est indécent. Je kick, je m'amuse, fils, t'as vu, y'a rien de méchant. Mais je crache des vérités. Ça dérange les uns quand ça fait plaisir aux autres. Bah ça représente les miens. Ceux qu'on a mis de côté, qui comptent pour du beurre, mais qui n'ont jamais chipoté pour travailler plus de 35 heures. C'est pour les petits frères, déboussolés. Je les vois charbonner tout l'hiver pour aller prendre des coups de soleil. C'est la crise, logiquement il faut que tu creuses. Le premier biais que tu croises, tu passes dessus mais pas en deux. Après la tise, leur a fait passer à la base. A commencer à faire la bise et à se chamailler pour que tu buzzes. A ce qui paraît, ça fait du bise. Mais ça vend de la beuh et puis des tasses. Mais dans pas longtemps, t'auras des rides. Moi, j'espère que t'as coffré du cash. C'est pour moi. Pour tous nos disparus, pour tous nos enfermés, pour toutes les familles en deuil, personne n'est à l'abri. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. On est ensemble, zone sensible, nous sommes. Planète Rap. 100% rap français. Après le son de Gizmo, André à l'instant dans la nocturne, 100% rap français. Voici l'homme pâle qui débarque avec un EP le 15 septembre. L'homme pâle dans la nocturne. C'est 100% rap français. Pour moi, chaque fête est comme un jeu de yes. J'y vois beaucoup trop de visages pour que je les retienne. Tous, je pourrais jouer à trier tous les genres d'humains à Paris. Mais la plupart seront couchés avant la fin de la partie. L'alcool est persuasif, dur de limiter sa force. Plus ta tête chauffe, plus ton liquide s'évapore. Bienvenue dans la ville lumière, ici les vices surviennent. Chaque soir, on redéfinit la plus grosse beuverie du siècle. C'est qu'une simple fête à Paname. Juste une simple fête à Paname. C'est qu'une simple fête à Paname. Fête à Paname. Mon foie, mes reins et mon cerveau ont des symptômes de fleurs fanées. Mais je profite de la vie en laissant la mort me menacer. Entouré par toutes sortes de gueules cassées. Cherchant le paradis, l'alcool en guise de pied de biche, on force le seul accès. Marie-Jeanne est une fille sans copain. Mais elle et moi, on a beaucoup d'amis en commun. Des gens qui vivent à Paris, d'autres qui vivent en province. Quelle que soit sa provenance, elle finit dans nos mains. Faut se relaxer. C'est qu'une simple fête à Paname. Juste une simple fête à Paname. C'est qu'une simple fête à Paname. Juste une simple fête à Paname. La fumée se propage lentement dans tout mon corps. Mais je n'ai pas encore le grade de poumon d'or. Je tente juste d'oublier la vie de galérien. Savourer chaque seconde comme si l'avenir ne valait rien. Quoi, les fêtards préfèrent étouffer leurs problèmes dans l'odeur d'un barbecue alléchant. C'est leur seule saleté de chance, ils ne se veulent pas méchants. Mais je vois la peur, les rires, la rage, la fête. Tout ça combiné dans le regard des gens. La routine et ses paradoxes. La routine et ses paradoxes. routine et ses paradoxes, son ange devient paranormal dès que le soir approche. La routine et ses paradoxes, la routine et ses paradoxes, la routine et ses paradoxes, son ange devient paranormal dès que le soir approche. Tension parisienne remonte, le vrai visage de l'amitié se montre. Tout peut déraper en un dixième de seconde. Je m'en vais là au ciao, loin des rats obscènes qui se tueront quand ce monde froid obéira aux lois du chaos. Où sont les fêtards? Je ne vois plus que des cimetières. Toute la haine du monde cachée sous un bonheur superficiel. Au début les gens paraissent fiables, tu voulais sortir mais à minuit t'es déjà trop saoul pour te rendre compte que tu danses avec le diable. C'est pas comme ça que je voulais que le plan s'élabore. C'est dur de contrôler son encéphale en mélangeant le chanvre et l'alcool. On peut plus changer la donne, j'aime pas les vendettas mais je pourrais me changer en vrai barbare si on essayait de me trancher la gorge. Si t'as des couilles, tes hormones sont balles, faut juste prendre des mesures avant que le croque-mort s'en charge, bonhomme. Je trouvais que ma ville était belle de haut, mais plus je l'observe et plus je trouve que ça ressemble au Mordor sans blague. Je plane comme si j'étais sur un réacteur de Boeing. Je vois tout au-dessus comme Hunter the Void. La guerre s'est installée au cœur de Noive. Un conseil, renforce-toi avant qu'on te heurte, the boy. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. La vie ne tient qu'à un fil, la mort n'est pas une légende, personne n'est invincible. Ne tombe pas, ne tombe pas. En silence et ça finit par de l'auto-justice. J'ai le pouvoir d'amener ma musique à une position suprême. Je refuse que quelqu'un vienne saboter ma mission sur terre. L'homme pâle. Planète rap. 100% rap français. A2S. JP. Arrobas Kozinyama 9-2 représentant Yahweh. C'est ça la base. 9-2 Haute-Seine, c'est la base. Jamais dans la lucarne si tu me fais la passe. Trop propre pour être un chien de la casse. Tu m'envoies des piques négros, je te baise avec la. Je suis un vrai zèche, je baisserai jamais mon futin. Langue de pute hypocrite, faut que j'en putain. C'est un fou la casseur et change son pull pour du loup. Mon casier est tellement chargé qu'ils veulent en faire un putain. Les deux SY sur la SO, NO. Jamais me servi qu'en SO, NO. J'ai pas nagé, je marche dans ton rat. Allô, je te gère une calage pour 2000. Je suis un enfant seul comme Osmo. Bouche, la vérité tu sors de ma bouche. Jim Yamasu. T'es comme les mains, nous j'bouge droit de Kinshasa, me dis que couche. Niama, niama. Ouais c'est ça la base, yeah. Ouais c'est ça la base. Chicha, Bulin, Roma, Soko, Pleufra, Poto, c'est ça la base. Ouais c'est ça la base, ouais. Ouais c'est ça la base. Pleurette, Tispe, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Niama, niama. JPZR, ça c'est mon blaze. Me donne la ferme, ça c'est ma base. Tu vas l'hiver, je te base. Un peu de picard et je base. 92, tout sur nos traces. Ma signature, tac à la gorge. 5 du max avec tes potes. J'avance aux escorts. Avisé, j'y fais cosy, Yahweh. La rage dans nous, si tu savais. Mauvais en soi, Yama, moto, y'a pas photo. 9 de Haute-Seine, c'est la base. Moi je m'engraine et toi tu t'écrases. 9 de Haute-Seine, c'est la base. Moi je m'engraine et toi tu t'écrases. Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Chicha, Bulin, Roma, Soko, Pleufra, Poto, c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Pleurette, Tispe, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Chicha, Bulin, Roma, Soko, Pleufra, Poto, c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Pleurette, Tispe, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. La tata, tu connaissais la street. 92 floqué, Real Madrid. On est OP si t'es chaud dans tes feet. Gazi, Dja, tu le sens dans mes drips. A2S pose, Nanterre, 9-2, cité rose.

je suis sur tes côtelettes. Dis quand je suis sur le corner. Dis quand je suis sur la hornette. Arme serre sur tes pommettes. Dis quand je suis sur tes côtelettes. Elle veut pas toi, Pico, c'est ma bitch. Elle veut pas toi, Pico, c'est ma bitch. Je crois qu'elle cherche un homme riche. Elle aura cloté, une taille, un sandwich. Capote sur un négo. Fleur panée, MD, c'est la bédo. Détaillé, 96 euros dépôt. Déterré, il y a ce billet dans les couilles. Feuille encouraillée, nerf dans le frigo. Mes oranées, mes algérois, tégo. Mes négros de l'année, elle est fragile, réseau. De fou allié, le type petit, tu veux non, tu peux pas défourailler. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Mon vie dans le stress, avec la haine. Je pense à tous mes frères qui purgent de longues peines. Cette année dans le rap, je prépare la guerre. J'espère que t'es prêt, tes oreilles vont pas assumer. Je m'en tape de leur clash, que des billets. On veut faire des liasses, interdit au tas et au pocard. Pour l'instant on trim, que des suspects. Dans la tête on sait qui sont les vrais vrais bonhommes. Combien de frères et sœurs sont partis, trop de tous les jours. Studio, je suis pas un griot. La zig c'est ma life, ça me rend paro. J'sais pas tous ces rappeurs qui racontent des ragots. Ouais, des ragots. Tu sais pas rapper, mais toi sur le déco. Pourquoi tu rases les murs quand tu viens pécho? Mais pas de rodka, tu vas te faire tes. J'ai pas le temps, le rap c'est mon taf à plein temps. Les gars, j'peux te briser, ouais, les tabors. La rime est claquante, 2 millions d'ennemis sur ma liste, sur ma liste, sur ma liste d'attente. Je veux pomper nos idées de flagrant. Pas de doute sur notre talent. Deux spices sur le beat, parle pas de latence. Fin du couplet, j'espère que t'es content. C'est la PTP, KR, Mapstyle, musique, la roulette. Hamza qui constate, c'est nous les futurs besteurs. Paradis qu'on rappe, on est rentré dans un mauvais jeu, no stress. L'avenir du rap est à nous, fuck les haineux. On débarque, on étale notre talent. Tu reconnais nos équipiers, la reconnaissance. Trop de flow, trop de style, 5 lettres et map style. La concu se plie et style, c'est normal. Check-moi d'abord, car le négro sans stress est de la partie. Ceux qui tiennent pas le coup sont déjà partis. Si tu veux voir un flow qui glisse, ce n'est pas ici. Si tu veux entendre un flow qui glisse, c'est par ici. Tu vois la tonne de glace, car ta tête contre le parvis. Fera des putains de dégâts, j'en lance les putains de paris. Que des dommages collatéraux, négro, voici le tarif. Viens-moi, de près, de loin, pas de stress quand l'équipe arrive. On garde ses contacts, on te le dit ouvertement. Tu poses qu'un riz en plus d'être féminité. Bon, beau divertissement, tu fais ton taf. Tout ça tranquillement, prenons tout son temps. Mais t'as pas percé. On t'a dit que t'es bon, toi t'as pris des ailes. Tu peux pas redescendre. Mais t'as pas percé. Ne compare pas un black en bonne santé. Pas de blague, on vient s'implanter. Pas de balle à rire, t'as planté là, là. Tu te mets à chanter. Pas de parole pour des chants. Des combinaisons pour le chantier. Petite maison pour enchanter. Là, ça c'est bon de se ranger. C'est la PTP, KR, Mapstyle, musique, la relève. Hamza qui constate, c'est nous les futurs besteurs. Paradis qu'on rappe, on est rentré dans un mauvais jeu, no stress. L'avenir du rap est à nous, fuck les haineux. On débarque, on étale notre talent. Tu reconnais nos équipiers, la reconnaissance. Trop de flow, trop de style, 5 lettres et map style. La concu se plie et style, c'est normal. Hamza Kid à l'instant dans la nocturne. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Combien de pas castorci à l'écoute de la nocturne. Voici Alonso, la belle vie. C'est maintenant dans la nocturne 100% rap français. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie le zin. La belle vie le zin. La belle vie le zin. On a bu 12 packs. Roux avant sur le nez. Cagoule noire sur le nez. M'zingaland, tu connais. Djendjaouid soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le sein se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve. À 200, on sourit au flash. Permis vient des commandes. Comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs, au cul où on se tape. La bague vend du

vais te dire un truc, Hugo. Même le soleil brille pas pour tous les endroits de la terre au même moment. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. Jury, jury, la famine, 45 Orlins. Hein? Bam, bam, bam. Bitch. Bitch. Bitch. 100%. 100%. Planète rap. MCG, ISK, Gradure. Yeah, yeah. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Si ce bâtard te regarde au travers, vas-y, shoot le peupon. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Choisir une neuf BDA, c'est qui, sortez les peupons. Nique sa mère, tous ces bâtards qui nous racontent des bêtises. On s'en bat les couilles du buzz, les gros, je rappe avec mes scarabées, mes brindiguis. Stand-up sur le terre-terre, des transactions illégales. Vas-y, regarde, aimez vous, qu'est-ce qui coupe votre hagas. C'est la putain de violence, la barbarie. Puis la plus pauvre de France, c'est Roubaix, c'est barbarie. Que des rebeux, des négros, de la bande, de la gueule, trop d'échangeants sur le rétro. Des polices, des meurs, des BM, des mères, sur le patrimoine du ghetto. Des salopes, des syndics, des coups de fil anonymes sont donnés. T'as poussé à ton ghetto, t'es dead, on a retrouvé ta débouche, t'as pas abandonné. J'me ravitaille dans le secteur, pour la vie, c'est au régiment. Je parle pas de femmes, je t'allage dans les caves, on m'a dit le maniement. Je saute 14 au même. Base de son baba d'Omela. Nyara, Yoga, Ndoulé, ISK, MC, chez moi l'amboga. Je saute 14 au même. Base de son baba d'Omela. Nyara, Yoga, Ndoulé, ISK, MC, chez moi l'amboga. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, shoot le peupon. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Choisir une BDA, c'est qui, sortez les peupons. Grosse lasse dans ma jacket, gros gros star sous ma braquette. Y'a de la CC, y'a de l'héro, j'suis pas le héros, je veux être canard. Dans mon faussaire, ça tourne par rond. Négro, bel écoute, tu m'étais panard. Oui, c'est peut-être vrai que j'suis paro. La roue m'a laissé des grosses balaves. J'abaisse comme une chaîne, elle encaisse. Négro, c'est plus que le zoo dans ma tête. Ralise, euro, extra, CC, c'est la PAC et la police que je baisse. Vas-y, gros, fais péter le son dans ta caisse. BM, OG, Mercedes. J'rappe à l'armée du AK-47. J'reviens mettre ces putains terre. Dans mon CC, c'est la guerre. Ne te mets pas mes affaires. Glanqué, chargé, j'suis dans le quartier. Billet violet, billet vert. Négro, c'est la street qui m'a forgé. À cause de la haine que j'ai connue. Aujourd'hui, j'ai des putains de projets. M'arrêtez, vous ne pourrez plus. C'est le retour de ISK. J'arrive dans le game en RSK. Viens, pêche si tu veux de l'ESTA. J'retiens les plaques de la bague. Négro, c'est la guerre dans mon secteur. J'baisse les profs, les inspecteurs. Plus 500 chevaux dans le moteur. 500 chevaux dans le moteur. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, shoot le peupon. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Choisir une BDA, c'est qui, sortez les peupons. C'est bon, mais tu peux les fous comme les grands. Fais pas la bêtise de parler sous ma haine. T'as gaulé les gants pour qu'on nous perd. Je baise là les BDA sur mon check. Elle, il, sortez les peupons. Tu m'aimes pas gros, et bise de me check. Je veux pas les gros bras ici, on se frappe sec. On sort le peupon, loup, pas. Tu vas nous pépin, on rit pas. Espèce de les gars, porte à raton, des gars, grosse pensée pour mes gars, on en tue tous tes gars, MCG, gradio, ISK. On est pas loin de la détente, on allume ta maman, bas les coups de la détention. Quand y'a les flics, on les pute pas de tension. Des gros bras longs connectés avec les vrais en prison. J'rappe la R, j'défense de les caisses auront flot plus le vécu du sang dans ces bafons, bafons, bafons, poussons. Une balle pour les hypocrites, une balle pour les ennemis, une balle sur ta race de victime parce que tu fermes pas ta gueule de fils de pute. T'es pas la salade, gros, baisse pas ton fut. C'est la guerre, chic et neuf. Mec de place, un arcade, y'a pas de bloc. Portons d'où, passons un de 9000 sonnes. Du sang à mêlée, de bon, j'échappe, rempli de balles, rempli de balles. On est vite à fumer ces trous de balles. Sortez les peupons, Nero, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, Nero, sortez les peupons. Sortez les peupons, Nero, sortez les peupons. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, chouffe le peupon. Sortez les peupons, Nero, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, Nero, sortez les peupons. Sortez les peupons, Nero, sortez les peupons. Choisir une BDA, c'est si, sortez les peupons. Et c'est fini pour la nocturne 100% rap français avec à l'instant le son de Gradure, ISKMCG, c'est ce qu'on écoutait à l'instant dans la nocturne. Prochaine nocturne dans une semaine, lundi 20-21, débarque dans Planète Rap les chroniques du Whaty Boss à pas louper sur Skyrock. Passez une bonne soirée, le son de Skyrock de la nocturne reviendra dans une semaine. Rap R&B en non-stop, Fabulo contrôle. Bon week-end, ciao. Skyrock, Skyrock, rap R&B non-stop.